Chapitre 4. La phobie de Gilberte. Mais non, ma petite Gilberte, avait dit Madame de Praz, étant donné les mœurs actuelles, je ne trouve nullement déplacée l'invitation de Monsieur Jean Mareuil. Qu'il te demande de venir prendre une tasse de thé dans cette maison qui sera peut-être la tienne, cela est tout naturel par le temps qui court. Seulement, il est tout aussi naturel que je t'accompagne. Cela ne t'ennuie pas, j'imagine. Gilberte, refoulant sa mauvaise humeur, avait fait sourire sa bouche sur commande. « Bien sûr, tante, que ça ne m'ennuie pas, mais ce que vous êtes arriéré, tout de même !» Et elle n'avait pu s'empêcher de détourner la tête, tandis que Madame de Praz lui tapotait la joue en manière de bienveillante gronderie. « Ah, Gilberte, que je t'ai mal élevée !» Or, maintenant, dans le petit salon très moderne, où Jean Mareuil faisait à ses deux visiteuses l'honneur d'un fin goûter, Gilberte, incapable de réfréner sa mauvaise humeur, la manifestait par une exubérance superlative et un abus désespérant de termes populaires. Elle allait et venait, se déhanchant, se dandinant, affectant l'allure drôlement guape d'un adorable petit voyou. Madame de Praz, réservée, scandalisée sans doute, mangeait des gâteaux et promenait sur les choses des regards qui s'efforçaient d'avoir l'air indifférent. « Vous avez une cigarette ?» dit Gilberte. « En voici !» s'empressa Jean Mareuil. Et il se dirigea vers un fumoir attenant, où Gilberte le suivit en faisant à sa tante qui sursauta la plus minaudière et la plus souriante grimace de son répertoire. « Qu'avez-vous ? » dit tendrement Jean Mareuil à l'écart. « C'est elle qui m'agace. Alors, je ronchonne. »« Pourtant, » fit-il avec indulgence. « Elle m'agace. Comprenez-moi, Jean. Elle m'agace parce qu'elle n'est pas venue ici pour me chaperonner. Elle est venue pour vous voir, pour observer. Elle me court, vous savez. J'en ai marre. » « Mais Gilberte, elle a raison. Mettez-vous à sa place. » « Allons, chère petite amie, redevenez vous-même, voulez-vous? Je vous aime tellement mieux sans argot. » Elle le regarda et ses yeux, angoissés tout à coup, s'emplirent de larmes. Leurs mains se joignirent. « Oh » balbutia-t-elle, « aimez-moi bien, Jean. Je ne le ferai plus si cela vous contrarie. Dites, vous m'aimez bien, n'est-ce pas? Jamais moins? Jamais moins, dites, Jean. » Il eut pour elle un regard à la fois si sérieux et si tendre qu'elle sentit son cœur fondre au grand feu de joie du bonheur. Et tout ce qu'il adressait sauvagement la minute précédente se détendit en elle. « Surtout, Jean, n'allez pas croire que je n'aime pas ma tante. J'ai beaucoup d'affection pour elle. »« Tant que cela ?»« Mais oui, vraiment. » »« Allons, il ne faut pas la laisser seule. Moi, je n'en ai pas le droit. » « Et cette cigarette ? Choisissez. »« Merci, je n'en veux plus. Vous aimez mieux, n'est-ce pas, que je n'en veuille plus ?»« Oh, Jean, si ! Dites-moi ce que vous aimez mieux. Ça me fera tant de plaisir de vous faire plaisir. » Il se mit à rire d'un rire extraordinairement heureux qui enchanta Gilberte. Et il consentit. « Eh bien, oui, là, c'est vrai, je préfère que vous ne fumiez pas. » « Oh, que vous êtes gentil! Que vous êtes gentil !»« Je vous aime !» dit-il soudain, grave et pourtant joyeux. Elle voulut le lui dire aussi, mais sa gorge tremblante ne laissa passer qu'un sanglot d'allégresse. « Venez !» dit-il doucement. Ils retrouvèrent Madame de Praz qui, à travers son face-à-main, examinait les admirables tableaux du petit salon. « Voulez-vous en voir d'autres ?» demanda Jean Mareuil. « Je serais heureux de vous montrer ma dernière acquisition. Si vous aimez les coraux ?» Un grand salon s'ouvrit devant eux, paré de toiles sans prix et de sculptures harmonieuses. Jean Mareuil s'en fit le commentateur. Il était singulièrement érudit et surtout profondément artiste. Madame de Praz comprit, en cette occasion, bien des choses d'art dont l'idée ne lui fut jamais venue à l'esprit. Et Gilberte, grisée par tant de finesse et de savoir, se laissait divinement bercer au son musical de la voix qui discourait. Et dans ces vitrines ? Demanda-t-elle. Ah, cela, dit Jean Mareuil, c'est mon petit musée personnel. À chacun sa manie. Des clés, de vieilles clés, constata Madame de Praz. Et ici, des lampes antiques, dit Gilberte. Eh oui, reconnut Jean Mareuil, comme s'il s'en excusait humblement. Des clés et des lampes, ce sont des collections que j'ai commencées quand j'étais enfant. Les clés et les lampes m'ont toujours attiré. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Cela est symbolique, remarqua Madame de Praz. Ouvrir, voir clair, vous aimez cela ? Peut-être, fit Jean Mareuil négligemment. Il me semble, dit Gilberte, que depuis le temps, vous devriez en avoir bien davantage des lampes et des clés. Est-ce que cela ne vous intéresse plus ? Si, mais figurez-vous, il y a une sorte de petit secret entre moi et mes deux vitrines. Allez-y de la confidence ! Madame de Praz écoutait en mondaine, toute politesse et amabilité. Eh bien voilà, je n'achète une lampe ou une clé que dans certaines circonstances, pour me récompenser ou pour m'encourager. Les lampes, ce sont les encouragements, les clés, ce sont les récompenses. Je ne comprends pas très bien, pourrait-on savoir ? Dit Gilberte en riant. À quoi je m'encourage ? De quoi je me récompense ? Mais mon Dieu, cela se devine, n'est-ce pas, madame ? Entre chacune de ces lampes et chacune de ces clés, il y eut jadis ou naguère une étude, une recherche. C'est de l'enfantillage. Ne le répétez pas, on se moquerait de moi. Oh, celle-ci ! S'écria Gilberte. Cette petite lampe verte avec une anse jaune, comme elle est gracieuse ! C'est un travail romain, bronze et or, fit Jean Mareuil sans sourciller. Vous plaît-elle à ce point ? La voici, faites-moi le plaisir de l'accepter. Gilberte, confuse, prit l'objet d'art, l'élevant en le faisant virer dans la lumière, et, brusquement, le replaça sur la tablette de la vitrine. Qu'y a-t-il ? S'étonna Jean Mareuil. Hé, là ! Mais qu'avez-vous ? Toute pâle, impuissante à maîtriser ses nerfs, Gilberte resta quelques secondes immobile, une main sur les yeux. Pendant quoi, Madame de Praz, examinant la lampe, disait « Un serpent, je parie. Oui, c'est cela. Lance. Lance représente un serpent. Quoi, madame ? C'est cet orvé d'or ciselé. » Mais Gilberte, avec un sourire forcé, confirma. « Oui, je vous demande pardon. C'est absurde. » « Elle est comme cela depuis la mort de ma pauvre sœur, » dit Madame de Praz. « Vous savez, sans doute ?» Jean Mareuil inclina la tête et prit la main de Gilberte qui recouvrait peu à peu ses fraîches couleurs. « Croyez-vous que c'est bête, hein ?»« Non, non, ce n'est pas bête. Oh non !» dit Jean Mareuil pensivement. « Mais il a fallu que vous éprouviez une bien grande terreur autrefois. »« Oui, » fit Madame de Praz, « une terreur sans nom. Et je vous jure qu'il y avait de quoi. » Mais 5 ans se sont écoulés depuis le malheur et Gilberte ne tardera plus maintenant à se guérir de sa phobie. Parlons d'autre chose, voulez-vous ? Cela vaudra mieux pour elle. Moi-même, je ne me souviens pas du drame sans frissonner. Tante, je voudrais bien qu'il sache cependant. Après, nous n'en parlerons plus. Mais je voudrais que lui, vous saisissez, que lui n'ignore rien de ma maman. Très lasse encore, elle s'était allongée dans une bergère et tenait contre sa tempe la main de Madame de Praz. « Racontez, tante, racontez-lui » Madame de Praz hésitait, peureuse du passé. « Oh, madame, pourquoi la contrarier ? » pria Jean Mareuil. Elle répondit, avec une tristesse et une gravité qui n'échappèrent point à son auditeur, « C'est une affreuse émotion, monsieur, qu'on me demande de raviver. Je me rappelle tout, comme si c'était hier. Cela s'est passé à Luvercy, au mois d'août de cette année-là. Nous y étions arrivés au début de juillet, ma sœur, Gilberte, moi et Lionel. Qui venait d'être recalé à son bachot, compléta Gilberte. Mon beau-frère, Guy Laval, absent depuis plusieurs mois, avait annoncé son retour pour le 10 août. Nous nous faisions une fête d'aller l'attendre à Paris, sur le quai de la gare. Malheureusement, l'avant-veille du fameux jour, ma sœur dut s'aliter. Un mauvais rhume qu'elle avait négligé s'aggravait en bronchite. Quand mon beau-frère débarqua à Luvercy, il trouva sa femme non pas en danger, mais sérieusement malade. « Tante, n'oubliez pas les serpents !» Oui, mon beau-père rapportait du centre de l'Afrique toutes sortes de choses dont quelques-unes étaient vivantes. Ses bagages l'avaient suivi à Luvercy et, ne voulant pas quitter le château avant la guérison de ma sœur, il garda, plus longtemps qu'il ne l'eût souhaité, une quinzaine de serpents destinés au jardin des plantes. Or, parmi ces reptiles, se trouvait une vipère noire, annelée de blanc, longue d'un mètre à peu près, et qui constituait une rareté inestimable, puisqu'on n'avait jamais rencontré aucun spécimen de ce genre. Mon beau-frère était extrêmement fier de sa découverte. Dans l'orangerie, où l'on avait installé provisoirement toutes ces hideuses bêtes, la vipère noire et blanche occupait une caisse à part, munie d'un grillage par devant. Guy Laval faisait volontiers les honneurs de sa ménagerie et, toujours téméraire, toujours avide de jouer avec le feu, il se plaisait à montrer les crochets venimeux de la vipère qui étaient aigus et fins. « Je me souviens de ces scènes-là, » dit Gilberte. « Lionel et moi n'en manquions pas une. Papa avait une espèce de petite fourche avec laquelle il immobilisait sa prisonnière. » Et souvent, pour faire comprendre le mécanisme venimeux, il appuyait sur l'un des deux crochets. Alors, on voyait ce croc presser la poche à venin, semblable à un abcès, et le terrible liquide couler de là-dedans comme d'une aiguille vidée. C'est ainsi, du reste, que ton père brisa l'un des crochets, reprit Madame de Praz. Accident qui le mit en rage contre lui-même et termina la série des exhibitions. Nous savions, monsieur, avec quelle rapidité foudroyante le venin de la vipère agissait. Nous connaissions les péripéties de sa capture, dramatisées par la mort subite d'un nègre qu'elle avait piqué. Des savants devaient analyser son poison dès que le jardin des plantes aurait pris possession de sa nouvelle pensionnaire. Vous allez voir comment ils furent déçus pour notre malheur. Tante, il faut expliquer d'abord l'organisation des chambres. Voici, la chambre de ma sœur était située au rez-de-chaussée du château, rez-de-chaussée surélevé d'ailleurs. À côté se trouvait un cabinet de toilette assez vaste qui donnait lui-même dans la chambre de Gilberte. Mon beau-frère et Lionel habitaient le premier étage où, d'habitude, j'avais aussi ma chambre. Les domestiques logeaient au second, composés de mansardes. Je restais auprès de ma sœur toute la journée. Et la nuit, je couchais sur un lit pliant que j'avais fait dresser dans le cabinet de toilette afin de pouvoir accourir au moindre appel de la malade. Mais prétendant que j'avais besoin de dormir tranquillement, puisque je ne la quittais pas du matin au soir, ma sœur exigeait que la porte de communication fût fermée entre sa chambre et le cabinet de toilette. Vous comprendrez mieux cette prévenance lorsque vous saurez qu'il ne se passait pas de nuit que ma sœur n'éprouvât une soif ardente. Les boissons froides lui étaient interdites, elle sonnait sa femme de chambre qui s'empressait de descendre pour servir à sa maîtresse une tisane bien chaude. C'est le léger remue-ménage de ce service, susceptible de m'éveiller, que la porte close devait étouffer. À la vérité, je ne cessais pas, même en dormant, de prêter l'oreille au bruit d'à côté, et toutes les nuits, j'entendais la fille arriver par la galerie et pénétrer chez ma sœur. Un soir, c'était le 19 août, ma sœur Jeanne eut un peu plus de fièvre qu'à l'ordinaire. Il faisait très chaud, très lourd, un temps qui suffisait à expliquer la recrudescence du mal. Je n'en fus pas inquiète en ce qui me concerne, et je me retirai, comme tous les soirs, dans le cabinet de toilette, après avoir entr'ouvert sur les volets fermés l'une des fenêtres de la chambre de ma sœur, qui se plaignait de manquer d'air. Le médecin autorisait cette aération. Toutefois, je recommandai à la femme de chambre de fermer cette fenêtre lorsqu'elle viendrait pour la tisane. Marie, elle s'appelait Marie, se retira en même temps que moi. Mais dans le cabinet de toilette, je trouvais cet enfant, Gilberte, en chemise de nuit. « Je ne pouvais pas m'endormir, » dit Gilberte, « et je tenais absolument à embrasser maman encore une fois. Oh, je n'oublierai pas ce dernier baiser !» Pauvre maman, je la tins longtemps, longtemps dans mes bras. Tante était déjà couchée quand je rentrais dans le cabinet de toilette. Continuez, tante. Cette petite était extraordinairement énervée, poursuivit Madame de Praz. Elle me demanda la permission de rester auprès de moi, je la pris dans mon lit et bientôt le sommeil me gagna. Mais moi, dit Gilberte, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lit était trop étroit et puis on étouffait et puis j'avais peut-être un pressentiment. Je n'osais pas remuer pour ne pas vous gêner, tante. Et je suis restée les yeux ouverts dans le noir jusqu'à l'aube. On voyait une barre lumineuse sous la porte de maman, c'était sa veilleuse qui faisait cela. Et je n'ai rien entendu. Et rien ne m'a réveillée, dit Madame de Praz. Cependant, au premier rayon du soleil, je me levai précipitamment avec cette pensée immédiate. Marie n'est pas venue. Jeanne n'a donc pas eu besoin d'elle. Va-t-elle mieux ou plus mal ? Ma sœur était morte, des plaques sombres marbraient son corps. J'appelai mon beau-frère. Il vint, affolé, et ne put d'abord que se rendre à l'évidence de la catastrophe sans se douter de ce qu'il avait produite. Car le seul être humain qui l'eût vu mourir de la morsure fulgurante était un noir. Vous comprenez, n'est-ce pas, sans que j'insiste ? Ce fut 2 heures plus tard qu'on connut la disparition de la vipère. Sa caisse était vide. Elle avait pris la fuite par une fente du bois qui se trouva plus large qu'on ne le pensait. Cette installation était tellement provisoire et Guy Laval si peu prévoyant. À la nouvelle de cette évasion, il fut pris d'un soupçon atroce. Il examina lui-même les bras, les mains de ma pauvre Jeanne. C'est ainsi qu'il découvrit, à la main gauche, une piqûre presque imperceptible, révélant le méfait de la vipère noire et blanche. On aurait dit que le reptile s'était vengé cruellement des tracasseries et de la mutilation que mon beau-frère lui avait fait subir. Je ne vous décrirai pas nos pleurs ni l'effroi qui nous glaçait tous à l'évocation du hideux serpent échappé dont nul ne connaissait la retraite. Où était la vipère ? Dans le parc, dans le château ? On commença, bien entendu, à la chercher dans la chambre même de ma sœur. On ne l'y trouva pas, mais il fut facile de repérer les issues par où elle avait pu se glisser jusque-là. Pour entrer, elle avait utilisé... La fenêtre, dit Jean Mareuil, la fenêtre entr'ouverte. Oui, fit Gilberte, la fenêtre, ou plutôt les volets, des volets pleins, solidement clos, des volets de fer, percés chacun d'une petite ouverture découpée dans le métal, en forme de cœur. Il est certain que la vipère entra par l'un de ces jours. La lumière de la veilleuse les éclairait dans la nuit. Elle fut attirée par ces lueurs et se hissa vers elle. Mais comment, à l'aide des aspérités de la muraille ? Rien de plus facile, malheureusement, expliqua Madame de Praz. Un lierre centenaire tapisse les murs du château. C'est comme un arbre qui s'applique sur eux. De grosses branches encadrent la fenêtre dont nous parlons. L'une de ces branches passe à 20 centimètres d'un des cœurs. La moitié de la vipère pouvait être enroulée autour de la branche, tandis que sa tête et 30 centimètres de son corps étaient déjà dans la chambre. Et pour descendre, à l'intérieur, une coulée le long des volets, un appui sur l'espagnolette de la fenêtre que j'avais accrochée en travers de la fente pour maintenir l'écartement des battants. Puis une glissade de là sur une chaise voisine, une autre glissade jusqu'au tapis et enfin la reptation vers la main blanche qui, supposons-le, pendait hors du lit. En effet, reconnut Jean Mareuil, tout cela est logique. Mais n'y avait-il pas d'autres ouvertures par où la vipère aurait pu s'introduire ? Aucune, affirma Gilberte. Pas de prise d'air ? Pas la moindre. Aucune bouche de chaleur ? Si, une seule, mais solidement grillagée. La cheminée ? Close du haut en bas par son rideau métallique. Pas de trou de rat ? Pas un trou de souris. Et les portes ? Sans être peureuse, dit Gilberte, maman, qui affectionnait cette chambre du rez-de-chaussée, voulait s'y sentir en sécurité. D'où les volets de fer et leurs crémones à toute épreuve. Quant aux deux portes qui donnaient chez elle, Celle de la galerie et celle du cabinet de toilette, chacune était munie d'un verrou. Naturellement, la porte du cabinet de toilette restait libre depuis que je couchais par là. Ma chambre n'était séparée de celle de maman que par le cabinet. Quant à la porte de la galerie, placée également non loin du lit, une tringle permettait à ma mère d'en actionner le verrou sans qu'elle eût à se lever. Or, c'est moi-même qui avais poussé ce verrou la veille au soir, et je me rappelle fort bien que ma tante a dû le tirer le lendemain matin quand elle sortit pour appeler mon père. La femme de chambre n'ayant pas été sonnée pendant la nuit, maman n'avait certainement pas tiré le verrou pour qu'elle pût entrer. La vipère n'avait donc pas profité pour s'introduire d'un entrebâillement fortuit de cette porte qui, c'est certain, est restée toute la nuit fermée au verrou. Mais, objecta Jean Mareuil, pourquoi la vipère ne serait-elle pas entrée dans la chambre avant la fermeture des deux portes? Lovée sous le lit, elle aurait pu rester cachée. C'est une hypothèse qu'on a envisagée, vous le pensez bien, répondit Madame de Praz. Mais Gilberte et moi, nous nous sommes retirés à 9h30. Or, le concierge du château, faisant sa ronde accoutumée, a vu la vipère dans sa caisse à 10h30. D'où il résulte, remarqua Gilberte, que la bête a dû s'échapper entre 10h30 du soir et 1h du matin, selon toute vraisemblance. Pourquoi avant 1h du matin? Sans qui Jean Mareuil? Parce que c'est vers cette heure-là que maman avait coutume de s'éveiller, de demander sa tisane, et qu'elle ne l'a pas demandée pour la raison qu'elle avait cessé de vivre. Ce n'est qu'une probabilité, mais pour sortir, la vipère ne pouvait remonter jusqu'au cœur de la fenêtre, il me semble. Vous êtes dans le vrai. On reconnut que cela était, sinon impossible, du moins très improbable. Et il fallut bien admettre qu'elle s'était enfuie, soit par la porte de la galerie, soit par la porte du cabinet de toilette, pendant les 2 heures qui s'écoulèrent depuis notre réveil tragique, jusqu'au moment où l'on se mit à chercher partout la bête meurtrière dont papa venait de découvrir le rôle. Quand nous étions entrés dans la chambre de maman, tante et moi, le matin, la vipère se trouvait donc tout près de nous, cachée dans l'ombre, sous le lit, derrière l'armoire à glace, que sais-je? J'en tremble encore. Où était la vipère noire et blanche? Voilà l'horreur qui pesait sur nous, malgré notre immense désespoir. Durant les journées et les nuits suivantes, on fit tout au monde pour la débusquer. Les meubles furent remués, les boiseries déclouées. On sonda les conduites d'eau, les cheminées, on enfuma les tuyaux du calorifère, on cimenta les fissures de toutes sortes. Le parc fut battu, mètre par mètre, le hameau exploré, la campagne, les bois parcourus en tous sens. On ne trouva rien, ce qui ne signifiait rien, à cause des terriers, à cause des arbres creux, des hautes herbes, des mille et mille endroits où peut se dissimuler un serpent bigarré dont l'immobilité sait le rendre indiscernable et dont la vitesse déjoue toutes les tactiques. Je n'avais que 13 ans, je fus si violemment impressionné qu'il fallut m'emmener. L'Uversie me semblait un enfer, je voyais des serpents partout. Et maintenant encore, vous avez pu vous rendre compte. Jean Mareuil avait écouté ce récit avec une attention des plus civiles et, triomphant de son insouciance légendaire, s'était retenu sur la pente de la distraction. Il demanda d'un air plein d'intérêt « Et depuis ?» Personne n'a jamais revu la vipère, dit Gilberte. Mais qu'est-ce que cela prouve? Rien encore. Ces bêtes-là vivent 100 ans. En tout cas, pour tout l'or du monde, je ne retournerai à l'Uversie. Comment? Vous n'y êtes jamais retourné? Jamais. J'ai trop peur. Il faudrait pour cela qu'on me montre le cadavre de la vipère. Je la reconnaîtrai. Allez, il n'y en a pas deux pareils. On ne pourrait pas me tromper. Jusque-là, que l'Uversie se passe de moi. Et pourtant, moi, je ne me passe pas volontiers de l'Uversie. J'y ai laissé tant de beaux souvenirs, ceux-ci mélancoliques, ceux-là riants. Je ne peux pas vous dire, Jean, combien j'aime ce vieux château et ses grands arbres. Quand j'y pense, voyez-vous, c'est comme si j'avais encore un très bon vieux grand-père là-bas. Et cela me fait beaucoup de peine. Je voudrais aller l'embrasser. Je n'ose pas. Alors, vous seriez contente si quelqu'un vous apportait, vivante ou morte, la vipère de Luvercy ? Gilberte haussa tristement les épaules. Une telle perspective la laissait sans espoir. Mais, levant les yeux vers les yeux de Jean Mareuil, elle lut dans son regard une passion si réchauffante qu'elle ne put se retenir de lui tendre les deux mains. Et ils restèrent ainsi, les doigts liés, les regards confondus, vivant d'inestimables minutes, en dépit d'une spectatrice dont le sourire jaune s'exerçait à loisir. Madame de Praz semblait propice à ce silencieux duo d'amour. On sait pourtant qu'il devait lui être fort désagréable, et Jean Mareuil ne fut pas surpris qu'elle s'empressa de l'interrompre en prolongeant la conversation sur le chapitre de Luvercy et de la vipère. « Ma chère petite, dit-elle, son visage prenant une expression de bonté et de sollicitude, tu devrais faire un effort sur toi-même et vaincre tes appréhensions, il en est certes grand temps. Depuis plus de 5 ans, la vipère n'a manifesté sa présence d'aucune façon. C'est donc qu'elle est morte. J'ai toujours pensé, pour ma part, qu'on l'avait murée dans l'une de ces lézardes qui furent si soigneusement bétonnées. Tout danger a disparu, cela est évident. Et si tu m'en croyais, au lieu d'aller à Deauville comme l'année dernière ou à Aix-les-Bains comme l'année précédente, nous irions cette année à Luvercy. » Gilberte fit un geste d'effroi. « Sa tante, jamais, vous n'y pensez pas. » « Monsieur, reprit Madame de Praz, chapitre est là. Vous, elle vous écouterait. Songez donc, Luvercy est un domaine enchanteur. Il n'y a pas d'endroit sur terre où l'on soit mieux. Je ne le sais que trop, tante, mais que voulez-vous, j'y mourrai d'épouvante. » Jean Mareuil et Madame de Praz la considéraient tous deux avec le même sourire compatissant et affectueux. « Il ne faut rien brusquer, n'est-ce pas ? » dit le jeune homme. « Parbleu, pensa Madame de Praz, ils seront toujours du même avis. » « Et puis, sait-on, reprit Jean Mareuil, j'y reviens malgré moi, Gilberte, si quelqu'un vous apportait, vivante ou morte. » Et il se mit à rêver, malgré la présence de Gilberte et de sa tante, qui le virent en quelque sorte s'éloigner d'elle mentalement et s'envoler dans ces régions mystérieuses qu'on désigne sous le nom aérien de nuages. Cependant, sa rêverie ne semblait pas exempte d'une vague préoccupation. Le pli de son front marquait la légère inquiétude d'une exploration intérieure. « Atterrissez !» dit Gilberte avec enjouement. La physionomie de Jean Mareuil s'éclaira en faveur de la jeune fille. Il traduisit ses pensées. « Une chose curieuse, dit-il, c'est que les serpents ne m'aient jamais causé le moindre effroi. Au contraire. Ainsi, tenez, j'ai fait un assez long séjour aux Indes. Eh bien, rien ne m'intéressait comme les charmeurs de serpents. Je me suis lié d'amitié avec plusieurs d'entre eux, et moi-même, je l'avoue, je me suis plu à pratiquer leur art. J'ai soufflé dans le pipeau hindou et j'ai fait lentement danser les reptiles. J'étais, ma foi, parvenu à une certaine force. « Vrai ? » dit Gilberte sous l'empire d'un émerveillement attentif. « Eh bien, votre courage et ma peur se compenseront. Tout est pour le mieux. Mais dites-moi, c'est cela qui vous préoccupait ?»« Non pas. » C'était, je ne sais quoi, à propos de serpents. Je ne sais quel vieux souvenir confus que je n'arrive pas à dégager des brumes de l'oubli. Aucune importance. Et alors, reprit Gilberte, attirée par le sujet même de ses frayeurs, on peut faire danser des serpents ? Oui, au son du chalumeau. Mais si nous laissions là les serpents, est-il bon pour vous, en ce moment, d'agiter cette question fascinante ? Parlons-en, parlons-en. Vous jouez avec votre peur, ici, parce que vous savez n'avoir rien à craindre. Donc ils dansent, ils se dressent, ils se balancent en mesure. On peut aussi les appeler, les faire venir. Oh, quelqu'un, par exemple, pourrait rappeler à soi, de l'extérieur, un reptile entré dans une maison, une vipère introduite dans une chambre. Jean Mareuil pâlit un peu devant l'émotion de Gilberte. « Est-ce possible ? » s'exclama Madame de Prase, stupéfaite. « Rien ne s'y oppose, » dit Jean Mareuil. « En tout cas, vous le voyez, Gilberte, il vaut mieux nous occuper d'autres objets que de serpents et de charmeurs. » Mais Gilberte, le visage contracté, méditait à son tour. Elle dit, pensant tout haut, « Non, j'aurais entendu, cette nuit-là, le son de la flûte, et je n'ai rien entendu, rien. Non, ce n'est pas possible. Et qui, du reste ? Je n'ai rien entendu, et on n'a relevé aucune trace de pas. » « Ce ne serait pas une raison, opina Madame de Prase, car tu te rappelles, je suppose, que les esplanades de Luvercy sont pavées. Il n'y a, monsieur, ni sable ni gravier autour du château. C'est pourquoi nous n'avons trouvé ni empreinte de pas, ni, ce qui est beaucoup plus significatif, ni empreinte de reptation. Pourquoi dites-vous plus significatif, tante ?» Parce que, mon enfant, il est fort improbable qu'un homme ait concouru à la fin de ta pauvre maman, alors que le rôle de la vipère est indiscutable. Si donc son passage n'a pas laissé de traces sur les esplanades, c'est qu'aucune trace ne pouvait s'y inscrire. C'est vrai, dirent à la fois Jean Mareuil et Gilberte. Allons, assez là-dessus, décréta gaiement Madame de Prase. Gilberte, ma chérie, je crois que l'heure est venue de nous retirer. Tu vas tout à fait bien maintenant ? Merci, tante, je peux vous suivre. J'aurais voulu, dit Jean Mareuil, que vous emportiez un souvenir de votre première visite à votre futur logis. Ne parlons plus de la petite lampe, seigneur, mais faites votre choix. Tout ce qui est ici vous appartient. Ils étaient tous trois debout, non loin des vitrines. Gilberte s'approcha des clés. Une aimable malice s'exprimait dans ses gestes et ses coups d'œil, et elle dit, en un trémolo mélodramatique, mais la gorge un peu serrée vraiment, « Voyons, Jean, de toutes ces clés, celle de votre cœur ?»« La voilà !» Il désignait plaisamment une énorme serrurerie du Moyen-Âge. « Pas de bêtises !» fit Gilberte en lui donnant sur le bras une petite tape. « Celle-là, c'est la clé des souterrains, remplie d'or et de pierreries, j'aime à le croire. »« Hein, tante, heureusement que la clé de votre coffre est moins encombrante. »« Vous voyez-vous, avec cet outil sur la poitrine ?» Madame de Prase porta instinctivement la main à l'endroit désigné. « Non, » continua Gilberte, qui passait en revue la collection et chantonnait pour se donner une contenance opposée à ses sentiments. « La clé du cœur de Jean Mareuil. Voyons, la clé du cœur de Jean Mareuil. » « Tenez, » dit le jeune homme, « cette fois, la voici. Il est des clés de toutes formes. Emportez celle-là. » Il lui tendait un petit miroir ancien, ciselé par quelques benvenuto, enrichi d'un tour de perles fines, et dont la glace, à peine assombrie par le temps, reflétait dans son eau le sourire de Gilberte.